Sur la terre, en voulant monter trop haut, t'as rien d'un oiseau. Tu as bu toute l'eau de la mer, voulant jouer les cousteaux, et t'as sauté du bateau. Tu restes sur le carreau, j'ai les boules, t'es zéro. Tu fais partie des fêtes d'hiver, j'en ai froid dans le dos. Laisse-moi te dire que t'as chaud. Partir, toujours tu cherches à partir, pressé d'en finir de tout. De tout, c'est drôle de ta boule, t'en vois jamais le bout. Il nous faut gagner.